Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Classic Oldies. On va parler aujourd'hui de Mike Oldfield, né en 1953 en Angleterre dans une famille plutôt mélomane, le père étant fan de musique et les frères et sœurs musiciens. Dès les années 60, il joue de la musique et compose avec ou sans groupe. C'est à même pas 20 ans qu'il cherche une maison de disques pour publier son premier album intitulé Tubular Bells. Un label du nom de Virgin Records est créé en 1972 et accepte de publier l'album en 73, ce qui fera de Mike Oldfield un des premiers représentants du label. Contrairement à de nombreux artistes, c'est ce premier album qui sera un de ses plus gros succès et que l'on retient aisément aujourd'hui. Quel coup de maître ! Un album se composant de seulement deux morceaux mais d'une durée de 25 et 23 minutes. Cette symphonie rock à la pochette culte va lancer sa carrière. D'ailleurs, c'est dans cet album-là qu'est née ses notes reprises dans L'Exorciste. Rendons à César ce qui appartient à César. Alors, Mike Oldfield peut poursuivre sa carrière et publie des albums tels que Omada One ou Hargest Ridge, qui gardent cet aspect rock progressif et qui sont eux aussi des incontournables de l'artiste et du genre musical. Dans les années 80, c'est une direction plus pop-rock, avec une présence plus accentuée avec les médias que va prendre Mike. Il collabore avec d'autres artistes, part fréquemment en tournée, et continue à s'intéresser à la nouvelle technologie musicale, notamment les synthés. C'est aux côtés de la Warner Music Group, puis de Mercury Records, que Oldfield parcourt les années 90 et 2000, période durant laquelle son premier album des années 70 est devenu maintenant culte, qui va donc susciter des rééditions, des suites, et donc un retour progressif de Mike avec par exemple l'album Amarok en 1990. Sa musique est difficilement caractérisable, alors même si la longueur de ses morceaux relève du progressif, on ressent bien des inspirations folk, rock et un style qui rappelle parfois le New Age, c'est-à-dire une musique très reposante. Notons que Mike Oldfield continue encore de publier des albums. Le dernier datant de 2017 et s'intitulant Return to Omadawan. On va revenir sur l'album Tubular Bells pour mes morceaux coup de cœur. La première partie de Tubular Bells est incroyablement variée. Alors que l'on débute par les quelques notes anxiogènes reprises dans L'Exorciste, des sonorités folk et islandaises apparaissent. S'ensuit une partie plus progressive avec l'arrivée notamment de la guitare électrique, et on continue à traverser divers genres musicaux pendant 26 minutes. Oldfield va même s'amuser à constituer un passage musical dans lequel plusieurs instruments, énumérés par le chanteur Vivian Stanchall, s'ajoutent à la mélodie principale. Spanish guitar and introducing acoustic guitar. Ce n'est pas très original, je vous l'accorde, et un peu égocentrique d'accorder deux de mes coups de cœur à cet album, compte tenu de toute la discographie de Mike Oldfield, mais je maintiens mon choix avec la partie 2 de Tubular Bells comme second morceau coup de cœur. Tout aussi varié et agréable, on retrouve de beaux moments folkloriques, on a l'impression de s'évader par la richesse des instruments et la variété des cultures musicales. Je vous laisse écouter le passage de la mélodie finale en crescendo, très typique et entraînante. L'album Omadawan paraît plus sombre que le précédent, plus contemplatif et onirique. En effet, Michael Field fut marqué par la mort de sa mère à cette période. Et il nous offre deux morceaux, dont le premier, d'une durée de 19 minutes, qui est merveilleux et agrémenté de chœurs, d'orgues, de mandolines, des percussions toutes droit sorties de tribus africaines. Alors c'est un morceau très profond, traduisant la maîtrise et la virtuosité de l'artiste aux mille talents. Le deuxième morceau de l'album est intéressant aussi, mais demeure moins appréciable que le premier pour ma part. Durant sa période pop dans les années 80, Mike Oldfield a obtenu son plus gros succès, la chanson Moonlight Shadow, chantée par l'écossaise Maggie Reilly. Alors je vous quitte sur ce morceau que vous connaissez peut-être. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine sur RJR. She couldn't find how to push through the tree.